ne semblait les distinguer parmi tous les autres enfants, ceux qui sont devenus pour nous les découvreurs du monde entier. Qui était-il cet enfant-là qui n'en pouvait imaginer qu'un jour son nom serait chanté dans les écoles du monde entier? Quand Vasco de Gama partit vers les Indes qu'il découvrit, route des épices et de la soie, il nous a donc ouvert la voie. Qui était-il cet enfant-là qui n'en pouvait imaginer qu'un jour son nom serait chanté dans les écoles du monde entier? Christophe Colomb, le bien nommé, toi qui rêvais tant de la paix, tu découvris le nouveau monde à force d'opiniâtreté. Qui était-il cet enfant-là qui n'en pouvait imaginer qu'un jour son nom serait chanté dans les écoles du monde entier? Jacques Cartier, le Malouin, envoyé par le roi de France, tu fus l'ami des Algonquins, et de Québec tu fis la France. Qui était-il cet enfant-là, qui n'en pouvait imaginer qu'un jour son nom serait chanté dans les écoles du monde entier? Aujourd'hui terra cognita, l'univers reste à découvrir, il nous faut d'autres voyageurs et d'autres Vasco de Gama. Qui seront-ils ces enfants-là, grands découvreurs de l'univers, à force de petits pas pour l'homme et de grands pour l'humanité? Et qui seront-ils ces enfants-là, grands découvreurs de l'univers, à force de petits pas pour l'homme et de grands pour l'humanité?